Je verrai vous, je volais. Seul dans ma ville, oui, je zonnais. Je vois des gens bien partout, mais j'en vois aussi des mauvais. J'ai fait un rêve qui m'a fait pleurer. Au réveil, gros, j'essaierai. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que je croyais que c'était vrai. Toute la nuit, je trouve pas le sommeil. Parce que je vise le sommet. Je ferme les yeux, je vois le soleil. Ça réchauffe mon cœur de lait. J'ai fait un rêve où j'étais tout seul. Une muse m'a porté de la douceur. Je sais qu'on finira tous sous terre. Et que la mort peut frapper à toute heure. Où j'ai fait un rêve où on me chantonnait. Dans la vie, tu n'auras rien sans donner. Et ces voix me disent, t'occupe pas des autres, apprends à pardonner. Je fais des rêves où je vois des choses bizarres. Où je vois des juges et des pros comitards. Où je vois sourire tous les gens que j'aime. Où on meurt jamais, où on grandit tard. Où on meurt jamais, où on meurt jamais, où on meurt jamais, où on meurt jamais, où on meurt jamais. Je fais des rêves de fou. De ma vie, je m'en fous. On ira pas loin sans sou. La tristesse rend sourd. À chaque rêve, je souffre. Tu me connais, j'en doute. De toute façon rien à foutre, laisse-moi faire ma route. J'fais des rêves de fou, de ma vie j'm'en fous. On ira pas loin sans sou, la tristesse rend sourd. À chaque rêve je souffre, tu m'connais j'en doute. De toute façon rien à foutre, laisse-moi faire ma route. Quand j'ferme les yeux je rêve de partir. Loin d'ici et de m'en sortir. Mais ce n'est qu'un rêve, faut pas se mentir. On vit nos vies à fond, ça ralentir. On rêve de ce qu'on n'a pas, donc on profite. L'argent c'est comme les putes, ça part trop vite. J'arrête de croquer le game comme un gros pit. Que je pilote en fumette dans le cockpit. Course poursuite, dans mes rêves je cours vite. Même dans nos rêves, ça rafale sur le beat. La routine c'est gros pétard et gros shit. En fumette c'est soit tu rêves, soit tu cogites. J'ai fait un rêve de fou, j'étais dans ma bulle. J'ai calculé des gains comme un somnambule. Profite de ta vie car on en a qu'une. À force de pas croire en mes rêves, j'en ai des lacunes. J'ai fait un rêve, on était tous des potes. On était soudés comme à la vieille époque. On manquait de rien, on avait ce qu'il faut dans les poches. Et puis aussi, on n'était jamais déçus par les proches. Parfois, on rêve, on est terrifié. Ça paraît réel qu'on veut vérifier. Ce qui est arrivé, pas forcément mérité. Même dans nos rêves, on ressent la sincérité. J'fais des rêves de fou. De ma vie, j'm'en fous. On ira pas loin sans sou. La tristesse rend sourd. À chaque rêve, je souffre. Tu m'connais, j'en doute. De façon, rien à foutre. Laisse-moi faire ma route. J'fais des rêves de fou. De ma vie, j'm'en fous. On ira pas loin sans sou. La tristesse rend sourd. À chaque rêve, je souffre. Tu m'connais, j'en doute. De façon, rien à foutre. Laisse-moi faire ma route. J'suis dans mon rêve, j'suis sur mon nuage. J'observe la vie des gens. J'vois toujours autant de rage. De vengeance et de trahison. Ce monde n'a plus de sens. Beaucoup de gens te le diront. Malgré tout ça, moi faut que j'avance. Que j'prenne conscience qu'au réveil j'suis moi. Je rêve que je navigue sur un navire. Et puis que le bateau chavire. Que j'suis coincé sur une île déserte. Avec un fou qui me raconte sa vie. Je rêve de mettre bien la daronne. De tout régler qu'avec une parole. On rêve de nos vies, on parle de nos rêves. Mais on ne vit pas nos rêves, non c'est pas drôle. J'fais des rêves de fou. De ma vie j'm'en fous. On ira pas loin sans sou. La tristesse rend sourd. À chaque rêve je souffre. Tu m'connais j'en doute. De façon rien à foutre. Laisse-moi faire ma route. J'fais des rêves de fou. De ma vie j'm'en fous. On ira pas loin sans sou. La tristesse rend sourd. À chaque rêve je souffre. Tu m'connais j'en doute. De façon rien à foutre. Laisse-moi faire ma route.